la matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Bonjour matinalien, matinalienne du jeudi 18h, j'espère que tout le monde va bien, ça va Jostla ? Ouais, et toi Tristan, comment tu vas ? Tu sais que pendant un dixième de seconde, je me suis dit c'est comment son prénom ? C'est quoi ? Comment s'appelle-t-il ? Je ne sais plus. 5 ans qu'on se connaît, je ne sais plus son prénom. Déjà je t'ai pas appelé Jonathan. C'est vrai, oh quelle chance j'ai aujourd'hui. Ah oui. Quand même. C'est bien. Merci. Ça va James ? Ouais, ça va, salut à tous, merci de nous écouter, merci de nous être fidèles en ce jeudi 27 octobre. 18h. C'est propre, hein. T'as vu, c'est comme... t'as vu, je prends. En fait, sur un truc comme ça, j'ai juste qu'une envie, c'est de balancer le journal derrière. Refais la voir et je balance tout de suite le journal derrière parce que ça fait propre. Attends, non, parce que j'ai pas encore les titres. Les titres sous les yeux. Attends, bouge pas. C'est vraiment professionnel. Toute cette partie-là est très professionnelle. Ouais. C'est à chaque fois, là, on voit que c'est professionnalisme, etc. On a un prompteur, hein. Sachez, les auditeurs, qu'on a tous, on a chacun un prompteur où on y est exactement. Là, vous voyez. Là, hop, ils ont fait une faute d'orthographe, donc c'est bon. Et donc, la matinale de 18h, merci à tous de nous être fidèle pour cette belle émission du jeudi 27 octobre et on enchaîne avec l'actualité. Il est 18h, passé de quelques minutes, c'est le journal présenté par James, Jocelyn et Bibi. On commence tout de suite avec James et les informations nationales et internationales. Bernard Arnault avoue avoir du mal à vendre son jet privé sur le Bon Coin. Le milliardaire qui avait mis en vente son jet pour ne plus être traqué par les internautes avoue qu'il a reçu énormément de propositions entre 100 et 200 euros. D'autres proposant des échanges contre des smartphones ou autres. Il a confié qu'il tenterait de le vendre à une brocante à Martigny-lès-Gerbonvaux dimanche prochain. C'est ballot parce que la foire à pousser vient de se terminer. Ah. Dysfonctionnement d'un feu pour piétons, un couple de personnes âgées retrouvées dans un état grave après 8 heures d'attente sur un trottoir. C'est en Alsace que cela s'est produit. Le bonhomme rouge est resté rouge toute la nuit. Les deux piétons, âgés de 82 ans, ont attendu patiemment qu'il passe au vert en vain. Ils ont été retrouvés au petit matin, déshydratés et avec de graves contusions sur la main qui leur servait à appuyer sur le bouton de priorité pour les piétons. Et ben voilà, c'est la fin de cette news. Amazon Prime annonce le tournage d'un documentaire en 10 épisodes sur la matinale de 18h. En effet, le géant américain s'intéresse particulièrement à notre émission qui cartonne sur la bande FM comme sur les plateformes de streaming. Un contrat extrêmement lucratif pour la radio ainsi que pour deux des trois animateurs de l'émission a été signé. À quand le biopic sur James ? On passe tout de suite aux informations locales. Un groupe de hackers met en ligne le code d'accès à la salle polyvalente de Richicourt-le-Château. Et oui, en effet, des étudiants de l'école de la 4e chance ont trouvé ça malin de révéler sur un forum spécialisé le code permettant d'entrer dans la salle. Un ballon et deux tapis de yoga ont déjà été volés et la mairie ne sait toujours pas comment changer le code. Il part faire un tour de vélo et revient avec des champignons. La vie trépidante de Lionel Cuny à Tintru. Atteint truc n'étant pas pourtant connu pour la cueillette de champignons, Monsieur Cuny, sur son vélo parcourant les forêts vosgiennes, a dû redescendre vite fait de son destrier face à la quantité industrielle de cèpes vosgiens et de coulmelles de Saint-Dié. Les pompiers sont venus l'aider, car il n'avait que ça à faire malheureusement, et au total, c'est bien 137 kilos de champignons qui ont été ramassés à Tintruc. On ne prononce pas le X à la fin, mais c'est pas grave. Le département des Vosges va créer la première place boursière à Mirecourt pour spéculer sur le prix de la tonne de pelée. Après que le journal local L'Air Vosgien ait révélé la ressource la plus exportée des frontières du 88, Mirecourt voit en son centre-ville une bande LED indiquant le cours du pelée mettre en place. Merci beaucoup pour ce Flash Info. On se retrouve pour le prochain Flash vers 18h30. Tout de suite, place à la météo. La météo. Le soleil est si courageux, alors qu'on pensait lui faire nos adieux, qu'il passerait 6 mois à la NPE, que le gris serait le nouveau Camailleux. Mais le voici, au teint radieux, si beau, si haut, si orgueilleux. Pardonne-nous, pauvre pouilleux, regarde-nous si peu frileux. Être à genoux sur un prie-dieu, dans tous les pays de l'OCDE, pour te remercier d'être là, fin octobre 2022. Waouh. C'est quoi l'OCDE ? L'OCDE, c'est l'organisation des pays riches, quoi. Voilà, ah, c'est ça. OCDE. C'est ça, effectivement. Pardon. C'est le regroupement des pays voilà, riches. Voilà. Bon, mauvaise question, pardon. Et d'où tu connais les Coolmel, toi? Les Coolmel, bah, moi, je viens d'une petite bourgade dans le sud-ouest et on avait des Coolmel. Des Coolmel. Ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, je suis amateur de. Il y a quand même de beaucoup de jeux de mots à faire avec Coolmel. Hein. Ouais. C'est vrai. Dans ma tête, j'en ai quelques-uns. Comme l'abeille cool. Mais pendant deux secondes, je me suis dit, ouais, lui, il appelait un EHPAD. Pour les noms de champignons. Ouais, je me suis dit, ça a tapé sur Wikipédia champignons Vosges. Et... non, parce que Coolmel de Saint-Dié n'existe pas, si. Ah, il y a des Coolmel. Ah, si, t'en parleras même pas. Là, c'était vraiment du hasard. Ah, ça n'existe pas. Les Coolmel, si. Non, mais les Coolmel de Saint-Dié, tu vois, je pensais que c'était genre un truc. Seb Vosgien, ça existe aussi? D'accord, ok. Non. Ah, faut quand même préciser aux auditeurs. Par contre, les Cèpes de Bordeaux, ça existe. Faut quand même préciser aux auditeurs de 3e et 4e qui font des exposés pour leur cours de biologie de ne pas mettre de la spécialité voilà, sur les champignons. Clairement, nous sommes un 27 octobre. C'est vrai. Est-ce qu'il s'est-tu passé un 27 octobre, pardon, excusez-moi, c'est James ou c'est... Non, c'est moi. C'est Jocelyn. Peut-être que d'ici juin, t'auras compris que maintenant c'est Jocelyn qui fait l'éphéméride. On sait pas, on espère, hein, croisez du mal. Non, c'est vrai, ça fait que quoi, depuis le début de la saison, ouais, parce quoi. Depuis août, hein. On peut annoncer à nos auditeurs que la prochaine fois, on aura une voix féminine qui peut-être fera l'éphéméride. Peut-être, oui, peut-être. Ah. Oh oui, ça serait peut-être vraiment... qu'elle fera toutes les rubriques toute seule. Ouais, parce que je pense que je fais un blocage sur le fait que tu fasses. Ouais, moi aussi je fais un blocage sur l'éphémérite, mais après ça n'a rien à voir. Lou Reed and the Velvet Underground, Pale Blue Eyes. See oh, you yeah. later, man. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. You pale. Your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Your pale blue eyes. Linger on. Make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Lou Reed and the Velvet Underground, Pale Blue Eyes. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Ça réveille. Ah, bien celle-là. C'est excellent ça. Ah ouais. Surtout après Lou Reed, ça fait du bien. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Ah ça tabasse. Mais il y a un côté fête foraine, tu sais, un petit côté ouais, attraction ouais, de dingue. Ouais, mais tout comme quoi, on découvre encore des jingles. Ouais. La matinale des 18h, ah ouais. L'émission décalée des Fadjets. On s'appelle ça. Accordéon. L'éphéméride de 18h. Il en a refait aussi. Mais attends, il s'ennuie ou quoi? Merci Jean-Luc d'ailleurs au passage, qui a fait enregistrer des gens et qui nous a rajouté d'autres bêtes. Donc c'est bravo. Et merci à la voix dont on ne connaît pas l'identité, mais qui est. Elle était dans C'est pas sorcier. Dont on elle est là. Non, la petite voix de C'est pas sorcier, c'était une femme. Oui, bah ça va, ça muait. Hein. Un 27 octobre. Un 27 octobre, le 300e jour de l'année, plus que 65, si on a 365 jours en un an. Que s'est-il passé? La mort de Lou Reed, déjà, pour entamer directement. Lou Reed, ouais. C'est qui ça? Lou Reed, c'est. Lou Reed? Lou Reed, ouais. Lou Reed. Ouais. C'est qui? Lou Reed, auteur-compositeur de Velvet Underground. Ah, le morceau qu'on vient d'écouter. Le morceau qu'on a écourté parce que forcément. Qu'on a écouté ou qu'on a écourté. Mortel. C'était malheureusement c'était un petit peu mollasse. Mais Lou Reed a eu des grands moments, mais je les ai pas du tout notés. Donc passons. Qui est né? Qui est né un 27? Est-ce que vous connaissez un petit peu des gens nés? Oh bah dis donc, toi t'es né un 27 octobre. Est-ce que vous en connaissez, messieurs? J'en connais aucun. Molière était né à quelques semaines près ou mois. C'est vrai près, que c'est dans la zone de Molière, ça. C'est la zone de Molière, mais. C'est pas ça. Il est très connu. Il est mort. Est-ce que c'est Lucie, l'Australopithèque? Non. Ah ouais. Il est connu pour nom d'artiste. C'est un artiste qui est avec plusieurs personnes. Un groupe de trois lettres français. REM, IAM. Non. NTM. NTM, Joe Star est né le 27 octobre. Wow. Moi, je connais très bien Bruno Coolchen, quoi. Et Michel Galabru, tu connais? Oui. Il est né aussi en 27. Mais je connais Michel Galabru. Il est là. Le micro, toi. Et également aussi Theodore Roosevelt qui est né le 27-10. Bon. Theodore. Mais on fête quand même majoritairement des gens un jour par année. Ouais. Aujourd'hui, qui sait, c'est la 5. Ouais, tu vois, en fait, je suis fatigué. Hein. c'est la fête des Abidons. Des Frumence et des Gamaliel. Donc, on leur souhaite une très très bonne fête. On en connaît tous. C'est un abidon. Pommes, c'est ça. Comment? C'est des variétés de pommes. Il y a la, pour faire du site, tu prends un peu. 3-4 trucs. Bon, Frumence. Frumence, moi je. Frumence, j'en connais pas, moi. Peut-être qu'il. Ah bah là, en tarte tatin. Frumence en compote, ça tabasse. Hein. Ça fait aussi un peu nom de parfum. Frumence. Ouais. Frumence. Flagrance, Frumence. Non. Frumence. De... Ouais. Flagrance, mais non. Frumence de Paco Rabanne. Sur des couches en flagrance. Flagrance, flagrance. Flagration, enfin je sais pas. Non. Mais non, flagrance, c'est. C'est fragrance, fragrance. Fragrance. Fragrance. Ouais, fragrance, c'est un terme du monde du parfum. Il y a que moi qui suis né ici. Je sais pas. Non. Non, moi je suis pas né là. Non, moi aussi je suis né. Moi je suis. Ah, oui. J'ai naqué. Le dicton du jour, messieurs. Le dicton du jour, c'est fume ton olivier au pied, il te graissera le bec. Eh ouais, man. Eh ouais, fume man. Fume ton olivier, man. Fume ton olivier au bec, man. C'est tout pour moi. Only for you, man. Allez, c'est l'horoscope. Après, alors là, restez avec nous parce qu'on a choisi une musique. Là, on est plus certain de notre coup sur la musique, là. Hein. Ouais. Ah oui. Pourquoi elle est plus forte? Ah oui. Faut être plus fort. Plus fort. Allez. Ok. À tout de suite pour l'horoscope. Come on and party. Get invited. Slade, Slade, come on, let's party. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. Elle fait presque peur, celle-là. J'aime bien, ça fait un petit peu casse-noisette, mais tu vois. Ce petit côté accent allemand très prononcé. Ça avec, fait penser à Dexter, la série Dexter. Ah oui, ça marche. Ah, ça je marche, ne connais ça marche, pas du tout. Moi, quoi, je connaissais Clyde Drexler, moi, je qui était un basketteur. Enfin, il n'est pas mort, tu me diras. Ah non, Dexter, même le générique, tu vois pas? Le générique est master. En fait, ça, c'est une petite musique un peu suspense quand il ouais, est en train ça. De commettre un... D'accord, ouais, un méfait. Un méfait, un crime, ouais. Le monde. L'horoscope des 18h. Il les a toutes refaites, en fait. Mais ça faisait un petit bout de temps qu'il les avait refaites, c'est juste qu'on ne les utilisait pas toutes, en fait. Voilà. On est en train de dépoussiérer les dossiers de Fadjet, c'est pour ça. L'horoscope. Alors, on a décidé de faire l'horoscope d'une personnalité bien connue, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de stagiaire. Et non, bizarre. Oui, c'est étonnant. Hein. Ils veulent je pense venir. Qu'on les a tous épuisés. Il n'existe plus de stagiaires à Nancy. Je crois qu'il y a un boycott, moi. Mais... Ça, ou alors la direction de Fadjet dit non, l'émission-là, tu ne la fais pas, on a eu des problèmes. Ah, peut-être, ouais. À mon peut-être. Avis, c'est on a eu des mauvais retours. C'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles des stagiaires. Si vous avez été stagiaire dans cette émission, contactez-nous. Ouais. Oui, on va vous faire un petit retour d'expérience. C'est vrai si vous le pouvez encore. Il y en a deux qui sont portés disparus, je crois, et c'est un ça. Qui va sortir de l'hôpital. Et il y a eu des changements d'identité, je sais. Oh, ça, oui. Je crois savoir qu'il y a eu des changements d'identité. Et de sexe. De sexe, bien sûr. Bah, identité, ça fait partie. Identité hein. sexuelle. Oui, voilà. Voilà, oui, tout à fait. Alors, on va vous parler bizarre. De l'horoscope d'une... Bizarre le débat. Ouais, j'adore. Sympa, quoi, bon. D'une personnalité qui est vraiment dans le feu de l'actualité, c'est Boris Johnson. Alors, pour vous remettre un peu le contexte de Boris Johnson, c'est l'ancien Premier ministre anglais qui a démissionné parce qu'il avait énormément de casseroles au derrière. Et derrière, il a été remplacé par... Quelqu'un connaît son nom ? Boris Truss. Liz Truss, ok. Qui est resté combien de jours au pouvoir ? 48. Non. 44. Moins. Oui, bravo. Yes. Oui. C'est pas les grosses fesses, mais. Ouais, mais je prends des points. Ouais, ouais. Qui est resté 44 jours et en fait, elle est arrivée avec un programme complètement à l'ouest et du coup, elle était désinguée par tout le monde, aussi bien les marchés financiers que ses députés de sa majorité. Et du coup, Boris Johnson, derrière, se dit allez ! Je reviens. Le mec a quand même raccourci ses vacances. Je crois que c'était à la Jamaïque. À Longwy, effectivement. Ah, non, vacances à Longwy. Oui, près de la... je crois qu'il y a un Longwy en Jamaïque. Près de la Chier. Qui est revenu avec enfants et femmes et qui a dit « Allez, j'ai le nombre de députés suffisant pour pouvoir me présenter ». En fait, c'était complètement fake parce qu'il ne les a pas. Et derrière, 48 heures après avoir passé des coups de fil à droite à gauche, il s'est rendu compte que il n'aurait rien, il ne pouvait rien espérer. Et donc, et du dit, coup, je suppose que la réservation n'est pas remboursable dans ces cas-là. Je ne sais pas, on pourra appeler TUI peut-être pour savoir si TUI voyage, pour savoir s'il aurait le droit de retourner. Ça serait quand même... Parce que quelque part, on peut parler d'accident. Ah ouais, oui, c'est en vrai, ouais, je pense que ça doit être remboursé. Ouais, là. Il doit y avoir des clauses, si c'est pour sauver le pays, ouais. Vous pouvez... Alors, on s'est dit qu'on allait regarder son horoscope. Boris Johnson est Gémeaux. Oui, mais il est né quand ? Le 19 juin. C'est toi qui me l'as dit. Mais oui, mais tu l'as. Mais moi je te l'ai dit, mais on l'a pas dit à nos auditeurs. Ah non, ah oui, c'est vrai. Il est né un 19 juin, tu vois. Il est vraiment à la fin des Gémeaux, puisque la fin des Gémeaux c'est le 21 juin. Non, c'est pas vraiment à la fin du coup. Alors, si tu lis à travail, une nouvelle mission motivante. Revenir en vacances. Ouais. Retourne en vacances. Je pense que c'était avant qu'il se rende compte qu'il était mort. Comment on dit, politiquement parlant, quoi. Vous aurez de bonnes inspirations et mettez en pratique vos meilleures idées. Et mais ça c'était vraiment avant qu'il soit mort, alors. Je pense, ouais. Je pense que. Ça serait pas son anti-horoscope, ça ? C'est exactement les choses qui vont ne vont pas se passer. Et en plus, c'est celui d'aujourd'hui, donc c'est après. Je dis des bêtises, moi. Donc ouais, non. Alors à mon avis, c'est plutôt que ça y est, c'est fait. Donc il a compris qu'il était mort et maintenant il a une nouvelle idée. Mais quoi ? C'est ça en fait. Donc je relis hein, une nouvelle. Et personne a des news là-dessus ? Ah bah c'est à toi de définir la news là-dessus. Non mais tu sais, des fois on est dans les petits papiers ou quoi. Moi je sais que j'avais eu j'avais eu des informations James en a, oui. Ouais, c'est ce qui me semblait. James c'est, en a. Moi je voulais pas en arriver là. Moi j'en ai mais je peux pas. Ah si, il faut les dire. Il va falloir les dire parce on n'est pas écouté à la radio, donc tu peux les dire. Non. Ouais, mais on écoutait en replay. C'est que ça m'embête parce que c'est, moi, pour être tout à fait honnête, j'étais en vacances avec lui. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai parlé de la réservation parce que je me suis battu avec Pierre et Vacances. C'était Pierre et Vacances. Ah ouais. Parce que on était au Pierre et Vacances c'est de Longwy. C'est pour ça que t'as bégayé sur en Jamaïque. Mmh. Ouais, en Jamaïque de Longwy. Après à Longwy, là où tu te trouves des fois. Mmh. Ouais. Non, et du coup, en fait, ils ont pas voulu me rembourser. Et donc du coup, j'étais un petit peu là, j'étais là, genre, dis donc, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, je suis resté. Ouais. De là, bon, il se passe des tas de choses. Je débarque dans sa suite, parce qu'il avait pris une suite. Bon, ah c'était ouais. Le bordel, les femmes de ménage, les hommes de ménage n'étaient pas passés. Bon, ok, premier élément. Mais c'est quoi son nouveau plan? C'est quoi ah, son nouveau c'est plan. C'est quoi son nouveau plan? Oui, parce sur là, quoi il va en fait, son nouveau plan, il va faire ce qu'on appelle une Manuel Valls. Il oh va non. changer de pays, tenter d'être, prêt, d'être maire de Paris. À et... Paris, d'accord, parce qu'il est d'origine turque. Hein. Ah oui, mais là, lui, non, il va aller à je Paris. Crois qu'il est il va tenter d'être maire de Paris pour suivre Anne Hidalgo, comment on dit, succéder à Anne Hidalgo. On peut dire suivre. H, comme on l'appelle. Ok. Et donc, c'est ainsi qu'il va, voilà. Et je crois qu'à l'inverse, il y a une navette retour qui se fait de Manuel Valls, qui va tenter, lui, de briguer le poste de Premier ministre en Royaume-Uni. Ah c'est ouais, absolument. Ça, ça peut pas. Voilà, moi c'est les infos que j'ai, hein. C'est les ce qu'on appelle les primas que j'ai. Voilà, bon. Voilà, donc je fais confiance aux auditeurs de ne pas les ébruiter autour d'eux. Vous gardez ça okay. pour vous. Ouais. Donc quand on lit une nouvelle mission motivante, vous aurez de bonnes inspirations et mettez en pratique vos meilleures idées. C'est pour c'est l'hôtel de ville de Paris. Paris, de Paname, wow. Bien sûr. Paris. Intramuros, ouais. Évidemment. Ouais. Il n'avait plus parce qu'il s'attend à... Non, je me suis dit, c'est toi qui vas te forcer à le dire. Et ça va bien avec amour, parce que votre charme agit totalement. Vous savez faire. Non, ça c'est différent, c'est parce que dans son jardin, il a plusieurs arbres. Et il a un charme. Ah oui, voilà. D'accord. Alors du coup, ouais, votre charme agit totalement. Vous savez faire preuve de naturel et de franchise, cela vous plaît. Et bien voilà. On cela y est. Plaît. D'accord. Voilà. Exactement. Merci c'est, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, affaire à suivre. Je pense que le Parisien, notamment, et puis Libération vont se mettre sur ce dossier. Je crois que le Canard aussi, mais à voir. Ouais. C'est également vrai, c'est vrai. Picsou Magazine. Mais non. Mais quotidien. Si. Oh là là. Le juste prix. Voilà, ouais. C'est ça. Sciences et Vie Junior. Enfin, bref. La météo en Languedoc Roussillon. Ils n'ont pas qu'à va y se mettre. On se ferait pas. Attends, il est quelle heure là bah, ah laisse-moi oui, regarder c'est l'heure. C'est déjà l'heure. Mais quelle heure il est journal presque. Mais non, non mais on n'a pas le temps de faire notre invité. Oh non. Oh non. Tu veux qu'on fasse l'invité? Bah écoutez, je sais pas s'il va être là. Hein. Allez, c'est parti. On va se faire l'invité. Hein, on va se faire l'invité vite fait, bien fait. Juste après, Sofia Reyes. C'est un choix de qui, Sofia Reyes? C'est moi, mais c'était, bah, pas, si mauvais, c'était pas celle que je voulais, mais peu importe. Ouais, non, mais. Tu voulais pas Sofia Reyes? Maintenant, je demande à qui c'est pour assumer les choix musicaux quand même. Non, mais Laurie, il était mort aujourd'hui. Don't know what's going on, pero me siento peligrosa. Feeling in my veins, ay, ay. Me vale tu opinión porque mi boca va de rosa. Drum is dead to me, bye, bye. Why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque me vuelvo de curiosa. I only wanna feel good vibes. Ay, no me duele decirte que I'm so done with you. R.I.P. to the bullshit. Brush it off like cool whip. The bullshit. The bullshit. Push it off like cool. Raise them up to the ceiling. bonita. A gente veio rapando. Oh, yeah. E assim é como eu muevo la cadera. Muevelo, muevelo. Piripam, piripam, desse novo olho brilha and I'm done. I beat to the bones. Push it up like cool. Sophia Reyes, RIP. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. C'est bien aussi ça. Mais oui, tout est masterclass. Et oui. Alors, l'émission est bien, tu crois ? Très chers auditeurs, en fait, l'invité est reparti. Oui, mais malheureusement. Il est venu, hein. Je vous l'assure. Il trouvait pas de place, en fait. Il avait pas de place pour se garer et il est reparti tout de suite. Il était en double fil, il a dit bonjour et puis ciao. C'est dommage. Il est 18h presque 30, c'est le journal, deuxième flash journal présenté par James et Jocelyn. On attaque tout de suite avec les informations nationales et internationales avec James. De nombreuses propositions pour le nom du prochain porte-avions français. On a les classiques hein, au nom de chef d'État, comme c'est de tradition pour un porte-avions, comme le Jacques Chirac ou le René Coty. Mais on a également des propositions un peu plus loufoques, comme le Elisabeth II ou le Nicolas Sarkozy. Du côté de la rédaction, on a un léger penchant pour le Jean-Pierre Raffarin, ou encore le 49-3. Ah oui, un nom tout à fait sympathique. Effectivement. 49-3, ça fait peur en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Technologie, le prochain iPhone sera équipé de petits bras bioniques pour sortir automatiquement de votre poche toutes les 5 minutes et vous suggérer du contenu. Le téléphone ne pourra également pas être rechargé, il ne pourrait être rechargé que par une prise spéciale implantée directement dans votre cœur via votre artère aorte. L'idée d'Apple étant de faire de ce nouvel iPhone un nouvel organe du corps humain. Le lancement est prévu à l'automne 2023, Tristan. Un must-have. Pourquoi tu me... Je sais pas, j'avais envie de faire un petit truc comme ça, ça fait très professionnel, je vois. Tiens, mon téléphone est pourri, c'est pour ça que tu dis ça. Oui, exactement. Okay. Ah, tu t'es senti visé tout de suite. Mais clairement. C'est normal. Sport ! Le français Aurélien De Vricker s'incline en finale du championnat du monde d'avalage d'épée. Grosse déception pour le contingent français qui passe à côté de ces mondiaux organisés à Oslo, en Norvège. Il reste encore les relais par équipe ainsi que l'épreuve de vitesse avec la française, un grand espoir français, Jacqueline Pithivier, qui avait réussi, on s'en souvient évidemment, aux mondiaux de Stockholm en 2020. Un mémorable 5 sur 5 sous le par, sans aucune touche de sûreté et tout en brisant la mythique barre des 12 minutes. Hein. On se rappelle tous d'où on était le jour où c'est arrivé. On sera derrière elle samedi pour son épreuve. Je crois que Madame Pithivier, d'ailleurs, était religieuse. Elle était religieuse, je ne l'ai pas, d'accord. Vous ne l'avez pas, d'accord. Eh bien, j'espère qu'on aura plus de fans en pâtisserie. Non, j'ai Pithivier, pas. Pithivier, la religieuse. Ah, Pithivier la religieuse, tu connais pas. T'as jamais mangé de Pithivier ? Non, je sais pas ce que c'est, moi, votre bonne religieuse. C'est vrai, alors, c'est vrai qu'on ne voit plus, mais je pense que c'est à cause du réchauffement de la planète, on ne voit plus de Pithivier dans les boulangeries. On en voit dans les EHPAD des Pithiviers. Et des religieuses. Oh. Pithivier. Voilà, et des religieux, oui. Non, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion la dernière fois. Bref, on enchaîne avec les informations locales. Ah oui. Information locale présentée par Jocelyn. C'est qui ? Le nouveau tube de MC Aouya. Attendu depuis maintenant 6 mois, reporté déjà 2 fois, le rappeur, chanteur, compositeur et danseur Aouya a enfin sorti son tube de l'été, reprenant les codes de Shakira mélangés avec Ozone. Oh, c'est très fort. Un petit extrait ? Non. Merci. Il sort pas encore. Des investisseurs chinois rachètent le relais routier chez Gisèle à Bainville-au-Miroir. Tout le monde a déjà dû entendre parler du relais chez Gisèle. Les grands voyageurs ou les travailleurs sur l'asphalte passent par la D570 se sont déjà arrêtés là-bas pour prendre un pied de porc ou une langue de bœuf. Mais ce temps est révolu depuis le rachat par le grand groupe Made in chinois qui va transformer ce relais en magasin de CBD. J'adore le Made in chinois. Oui, c'est le lac de la Made in chinoise. Un sondage Ipsos Vosges Matin dévoile que les Français préfèrent le vin de Toul au vin d'Alsace. Plus parfumé, plus fin, moins alcooleux, clairement, plus complexe. Ce sont les mots qui reviennent aux oreilles du groupe Ipsos. Les Alsaciens voient leur vente baisser et l'ombre toulienne arriver à grands pas. Les frères Sylvaner et Gever Straminer sont au bord de la faillite et hésitent à se lancer dans la vente de sandales. Et un petit coucou à Camille Migaud et à Thomas de l'Ambroisie qui sont des producteurs du Toulois et que c'est je vrai. Salue et qui font du très bon vin. Pas Vincent aussi. C'est la fin. Vincent de quel Vincent Larope, je dirais, mais c'est l'impro, hein. Parce ah ouais, que moi, d'accord. Vincent, je ne connaissais parce pas. Parce que moi, ils existent vraiment. Vincent Larope existe, il est très connu pour le Grey Toul. Voilà. Il y a même un Mangeau, d'ailleurs, qui est producteur de vin de Toul. Je ne sais plus si ça a brûlé ou a lucé. Je vois que James me regarde avec des yeux. Moi, ça avait été Jonathan. Moi, la météo est prête. Les gars, c'est quand vous voulez. Pas trop cuire. La météo. La météo, selon James. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais temps pour un mois d'octobre 2022. Je pense qu'il y a avant tout des aléas, ceux de la vie d'abord, de notre capacité à être dehors, à être en jouissance du temps, en jouissance de nos capacités corporelles, mais également les aléas de la météo. Et quand on me demande, mais c'est quoi les aléas de la météo? Ben, je réponds toujours que ce n'est rien d'autre que les aléas de la vie, mais appliqués au ciel. Oui. Car de la même manière qu'on peut jouir de l'autre, jouir de soi, ou même jouir de l'autre avec soi, la météo peut nous faire jouir de soi et nous contraindre de ne pas jouir de l'autre car il pleut, par exemple, ou peut-être parce que l'autre a une maladie de la peau qui l'empêche de voir le soleil, s'il y en a, ou nous amenant à être ainsi à l'intérieur, dans une forme de jouissance tout aussi réelle, mais comme imperméable aux aléas de la météo, puisqu'abrêtée par un toit ou par une bâche. Ah oui. Et au final, quand on a une maladie de la peau qui nous empêche de voir le soleil, est-ce qu'on peut pas être dans une forme de jouissance qui transcende la météo et qui transcende même les aléas de la vie? Je vous pose la question. Hein. Du coup, quand on me demande s'il va faire beau, je réfléchis avant tout en termes de capacité de jouissance personnelle et imperméable. D'accord. Car c'est quelque chose qu'on doit à tous ceux qui ont une maladie de la peau. Okay. Ah oui. Et donc, il fait beau? Ah bah ça, je sais pas. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Bah de rien, écoutez. C'était quelques phrases. Quoi. J'ai reconnu du Pierre dans. Ouais. Voilà, c'est un private joke, désolé. Il fallait que je le fasse. Merci pour cette météo. C'est le retour de quoi? De la question. Il est 18h30 passé. Ah vas-y. Ouh. Non, j'avais une grosse fesse. Mais ouais, clairement. Waouh. C'est le retour des grosses fesses juste après. Le retour après. Du jeudi. Le retour du jeudi 27 octobre, une fois par an. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes, liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Walk quoi, Vlad? Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He said, would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my American boy? American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. American Boy avec l'aide de Kanye West, mais franchement, il aide pas énorme, hein. Clairement, c'est Estelle. En vrai, Kanye fait tout. Ouais, exactement. Kanye fait tout. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent seulement pour l'émission, c'est l'émission Les Grosses Fesses, l'émission phare de la matinale de 18h. Des questions sur des informations de la semaine dernière, des informations plutôt de la semaine dernière sous forme de questions, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, je sais pas exactement ce que t'as dit mais ça ressemble. C'est surtout, t'as oublié de dire que c'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'interactions, et tellement. Et puis beaucoup d'amour. Et hein, énormément de rire. Voilà. Mais voilà. Et beaucoup de flûte. Tout de suite et on attaque. Trop. Ouais. On reste en France pour cette news. Saurez-vous deviner. Et elle est en train de faire le buzz, hein, cette information. Donc si vous n'êtes pas au courant, là, ça va pas. Qui a été arrêté avec un excès d'alcoolémie dans le sang en voiture? Je le sais. Bah vas-y, dis-le. C'est. Il n'y a pas un député des Vosges? Ah oui, bien. Sauf qu'il n'est pas député. Ah, c'est un gars important dans les Vosges. Ouais, effectivement. Il est président du Conseil Général, François Vanson. Exactement. Voilà. Tu l'as dit comme si tu le connaissais, François Vanson. Mais c'est François. Il y avait dans ton œil quelque chose de. Ah, c'est François, ça. C'est typiquement. Oh, le Vanson, là, il nous a encore. J'étais dans le coffre. Ah, d'accord. Pire que lui. Voilà. Donc, j'ai trouvé que d'ailleurs, c'était un petit peu long. Voilà, au début, c'est pour ça que je lui dis non, t'arrêtes pas, parce que justement, il y a suspicion en mais plus. C'est ce que j'allais dire, et il y a une précision. Attends, il y a suspicion. Aucun coup de feu n'a été tiré. Moi, attends, il y a suspicion qu'il y avait quelqu'un dans son coffre. Non, ouais. Suspicion que. De délit de fuite. Voilà. Ah, d'accord. En fait, alors, autant François, hein, on peut appeler ça François. Enfin, François. Lui, ça reste un homme. François Vanson reconnaît qu'il était pété comme un coin. Il avait 0,8 grammes dans le sang hein, quand il a été arrêté. Standard. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ne dit pas encore l'histoire, parce que c'est passé 14 heures de l'après-midi. C'est pourquoi les flics l'ont arrêté, puisqu'il était en train de rouler. Généralement, t'arrêtes pas quelqu'un quand il est en train de rouler. T'arrêtes pas quelqu'un quand il est arrêté. Sauf s'il navigue un peu à droite à gauche. Ah, ils font des arrêts sur une 4 voies. Pourquoi ? Sur une 4 voies. Ah, c'est sur une 4 voies. Oui, sur la route nationale 57. On l'a peut-être balancé. Ils ont peut-être vu justement qu'il faisait du. Bah, c'est ce que je me dis, quoi, qu'il devait aller un peu à droite à gauche pour qu'il l'arrête. Quoi. Et attendez, donc... moi, ce que je vois surtout, c'est un scandale derrière ça. Mais ouais, moi, je vois un complot. Je suis complètement indigné. Oui. Qu'est-ce que fait le président du Conseil général des Vosges sans chauffeur ? Voilà. On est d'accord. C'est quoi ? Il faut quoi pour avoir un chauffeur ? Faut être ministre ou quoi ? Non, mais c'est scandaleux. Il faut quoi pour être chauffeur de. Non, mais alors qu'il y a des tas de gens qui adorent conduire des voitures et qui sont disponibles, cet homme n'a pas de chauffeur ? Pour c'est sa défense, le chauffeur était avec moi, dans le coffre. Ah, d'accord, ok. Voilà, bon, pété comme un coin encore plus. Et donc, c'est vraiment par souci pas de place derrière, de ou quoi, parce sécurité que... routière qu'il a pris le volant. C'était un break ? Ou un corbillard ? C'était un break, oui, effectivement. C'était un van, c'était son van. C'était une bonne van, en tout cas. C'était son van de Vanson. Ah oui, bien sûr, Voilà, très bien. Je cherche une manière de la faire depuis tout à l'heure, et franchement, je suis un peu déçu de ce que j'ai trouvé. Donc, François, en fait, reconnaît qu'il était pété comme un coin, mais il conteste formellement qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Juste une question, quand tu dis pété comme un coin, c'est le fruit coin, ou c'est comme le coin de table, ou le coin d'une pièce ? Le coin d'un bar. Non, c'est comme le... Pour moi, alors oui, c'est un bon débat, mais pour moi, c'est le fruit. Mais c'est une coin, non ? Ah non, c'est, non, un, c'est coin. Un coin. C'est bon. Ah bon ? Une coin. Oui, t'arrêtes. Mais c'est pas une prune, là, le coin ? Tiens, la coin ? Non, c'est mais non. Plus gros. Un coin, c'est un côté coin. Assez... Bah, je t'enfilerai, ma mère m'en a donné, là. Chanceux. Moi, j'en ai jamais... Moi, jamais proposé de coin, mais bon. Non, bref. C'est vrai que. Après, j'aime pas ça, donc heureusement. Oh, bah voilà. Bon, bah, mais non, je pense que c'est le coin d'un bar. C'est un petit côté acidulé. Est-ce que je peux attaquer l'information suivante ? Donc, on n'aura pas la réponse de quel coin c'est ? Si, c'est COING. C'est dans quel coin, ça ? COING. T'étais vérifié ? Oui, bien sûr. Autant pour moi. Voilà. Tu peux me croire sur parole. On part en Normandie. Vous adorez la Normandie ? Je n'y ai jamais mis les pieds. Ah bah j'y vais bientôt moi en fait. Bah j'y vais la semaine prochaine. Mais non. Allez. Mais oui. Bah alors ? À Deauville. Un tournoi de poker ? Ouais. Ah bah voilà, très bien. À Deauville en plus, ça fait rêver. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Alors. Un pêcheur normand a croisé quelque chose en mer au large de Cherbourg. Mais quoi ? Une baleine. Non. Du sel baleine. Non. Une baleine de soutien-gorge. Oh oui, il faut la tenter celle-là. Hein. Non, c'est pas une baleine de un soutien-gorge. Ce qui a fait tout. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une baleine il de soutien-gorge. Il a croisé un animal ? C'est pas Annie. C'est pas Annie. Annie c'est pas animal. Est-ce qu'il a croisé Boris Johnson ? Ah oui. Revenant de Jamaïque. Non, j'ai dit que c'était pas animal. Voilà. Non, il a pas croisé Boris Johnson. C'est pas animal. C'est pire que Boris Johnson. Ça doit faire deux peur. Boris Johnson. Ça doit faire peur. Oh oui. Oh là, déjà ça, un Boris Johnson. Ça ouais. doit faire peur. Ouais, mais là non, ouais. Un lion. Donc c'est pas animal, c'est un objet. Animal. C'est un alors oui, enfin c'est fait en métal. Un bateau. Non. Un tank. Et presque. Ah, un obus. Oui. Un sous-marin. Un sous-marin. Okay, quoi, toi un obus, c'était complètement débile mais. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là mon petit obus? On se promène. Beaucoup plus dans le sac, Boris Johnson. C'est les nouveaux obus, mais tu sais, qui vont à la nage jusqu'à leur. D'autres relais, hop. Tu ne les vois pas venir. Non, ouais. Mais pas n'importe quel. Oh, le sous-marin des Russes. Oui. Mais ouais, mais j'ai vu ça. Mais ça, je pensais que c'était une fake news. Attends, mais t'avais la réponse ? Non, mais je savais que la France et l'Europe avaient perdu de vue ce sous-marin-là. D'accord. Qui peut faire une dinguerie. Ouais. Et il y a un pêcheur. Une gaulerie même. Ouais, allez. On en reparlera plus tard. Mais en gros, je sais que ce sous-marin peut faire des folies. Et je savais pas qu'il avait été repéré. Mais du coup, tu me dis, il a vu le sous-marin. C'est quand tu dis ce sous-marin peut faire des folies, pour moi, c'est genre, il fait discothèque à l'intérieur. Il fait 3-6. Ouais, c'est trop bien, c'est la discothèque du il sous-marin. Il arrive à faire un sous-marin. Il y a un trampoline park à l'intérieur. Voilà, et retomber dans l'eau après. Ouais, c'est ça où les Russes sont vraiment. Fierté des Russes. Et là, il avait perdu, donc. Ah, content. Alors, bon, ce qui est. Enfin, rassurant, j'en sais rien, mais il était suivi de près par une frégate française, justement, pour savoir où est-ce que ce sous-marin allait. Quoi. Mais il était pas bourré. Est-ce que c'était pas François Vanson, le chauffeur du sous-marin. Alors, en tout cas, François Vanson a totalement démenti être à l'intérieur donc de ce sous-marin. Donc, toi, t'étais pas dans le coffre. Tu confirmes que t'étais pas dans le coffre. Moi, personnellement, non, j'étais pas dans le coffre. Non, toi, non. Tu démentis pas forcément non, mais, non plus. Alors là, clairement, vous pouvez me croire, j'étais vraiment pas dans le coffre du sous-marin. Du coup, j'ai une question qui est liée, mais est-ce qu'il y a des coffres dans les sous-marins ? Ben, sur les breaks, je crois, oui. Et moi, j'avais une autre question. Il était sous le marin ? Waouh. Wow, okay. Yes. Allez. C'est le temps de la pause, là. Hein. Voilà. Allez. Une petite pause. Alors, c'est un choix, mais alors, qu'il faut que tu assumes. Parce que James nous a dit que Clara Luciani respire encore, ça bouge. Mais c'est, bien sûr que ça bouge. Il m'a dit, c'est un banger, t'as clubé dessus. Bien sûr, les auditeurs vont bouger leur tête. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Clara Luciani respire encore et je confirme, ça bouge. Ouais, c'était pas mal. Ouais, non, si, ça bouge. Non, ouais, c'était bien. C'était bien. Ouais, je... si, attends. Non, ouais, c'était bien. Il y a de la bien. Pluie sur les fenêtres là maintenant. Non, mais tu sais que la Starac a repris. Quel rapport ? Aucun. Ok. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Pas. Oh. Et c'est la suite et fin des grosses fesses. Non, mais attends, c'est pas fini, c'est la suite. Ah, j'ai peur. C'est parce que j'ai dit fin dedans que tu oui, crois que je c'est, sais que tu as faim, mais ne parle pas de faim. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On part dans le nord de l'Europe, puisque la dernière fois, je sais pas si vous avez suivi, ces deux jeunes qui sont écologistes et qui ont balancé la soupe à la tomate. Soupe à la tomate sur un Van Gogh. Ah, sur les tournesols de Van Gogh. Voilà, c'est ça. Donc, qui vont passer en justice pour des faits inférieurs à 5000 euros, puisqu'il y avait une protection. Ah bon ? Ah oui, il y avait une protection. Parce que moi, j'avais cru comprendre que le cœur de la toile n'avait pas été touché, mais. Il y a le bord, oui, qui est touché, mais c'est le cadre. Et, Il y en a pour moins de 5000 euros. Parce qu'avec une bonne éponge, et puis ni vu ni connu, quoi. Tu vois, voilà. Et là, il y a vinaigre blanc, peut-être. Peut-être savon noir. Ça peut peut-être attaquer. Alors si le musée d'Amsterdam nous écoute, effectivement, un petit conseil. Voilà, petit peu de vinaigre blanc. Éventuellement, je sais que ça marche avec vous frottez un peu d'ail. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est une astuce. Ail blanc, pas violet. De l'ail blanc, voilà, exactement. Ail blanc Van Gogh, une tuerie. Exactement. Effectivement. C'est vrai. Sur une oreille. Mais... on en parlera. Voilà. Et là, on a la suite en Allemagne. Ouais, c'est-à-dire que là, deux autres écologistes du groupe Letzte Generation, Letzte, c'est dernière génération en fait, ont projeté sur un Claude Monet au musée Barberini de Potsdam, qui est à côté de quelle grande ville ? Berlin ! Oui, bravo, ça va. Je suis allé jadis. Mais alors ? T'as bien loin, Potsdam ? Les deux. C'est filou. Quelle nourriture, ce coup-ci, a été projetée ? Currywurst. Ah, ça aurait pu être effectivement. C'est bon, en même temps, c'est tellement bon. Après, currywurst pour des écologistes qui, j'imagine, doivent avoir une fibre végétarienne quand même. Compliqué. Déjà, c'est un cliché de dingue, ça. C'est incroyable de sortir des clichés comme ça en 2K22. C'est dingo, quoi. C'est ouf ici. C'est vrai. Mais ça ne répond pas à ma question. Ouais, ouais, on va juste dire qu'ils ont lancé des frites, des teufries. Non. Non, ils ont pas de frites. Est-ce que c'était de la tulée, de la laitue? Non. Est-ce que vous voulez que j'arrête de parler vers l'air? Oui, parce que là, ça ne fait pas gaulerer du tout. Est-ce que c'était liquide? J'imagine que c'était liquide, c'est de la soupe, c'est plus simple à balancer, non? Non, c'est pas liquide. C'est ah pas ouais liquide. Non, c'est des pas excréments liquide. Non. c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des excréments liquides. Bah ouais. Enfin, solides, mais non. Là, non. Non, non, non. Est-ce que c'est un plat typique allemand? Des excréments. Ouais, un petit peu, enfin, ouais. On est-ce peut que dire, ce sont des spätzles? Non, non, ah oui, non, non, pas un truc aussi précis que ça. Non, non, même en France, on en mange. Ah, hein. De la pomme de terre? Alors, quoi à base de pommes de terre? Enfin, c'est de la choucroute. C'est un plat à base de pommes de terre. Du gratin dauphinois? De la frite? C'est pas de la frite, c'est pas du gratin dauphinois. Des chips? Non, oh, c'est naze, c'est le beurre, c'est des chips. Alors, t'imagines, tu balances des chips à la boue. Pitié. Allez, sur la planète! Ça touche même pas, ça y est. C'est ça, ouais. Attends, on bosse le paquet, c'est plus lourd. Non, mais non, non, non, non, c'est pas ça. Mais vous êtes pas loin. Attends, la patate, on fait pas mille trucs. De la purée? Oui! Bah, c'est de la purée! Ouais! Bah, ils ont balancé la purée, en fait. Ah, ils ont envoyé la purée! Filou! Bravo, bravo. Non, oui, oui, c'est effectivement, pas c'est facile. De la purée qui a été envoyée. Alors, pareil, sur la photo, on voit que le cadre est protégé. Donc, j'imagine que ça n'a pas fait trop de dégâts. Personnellement, j'aurais envoyé de l'oseille. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, des sauces. Voilà, exactement. Envoyer de l'oseille sur Monet, je trouve ça délicieux, divin. Ouais, mais oui, sauf et que... ça envoie un fort message. Oui, là, les gens, ils se disent ah! Tu vois, parce que là tu balances de la purée sur un Monet. Bon bah ok. Bah, Monet c'est bien, bravo à toi. Il y a des gens qui ont déjà vomi sur cette plus, on s'en fout. Là t'envoies de l'oseille sur Monet. Bah là directement t'as les gens qui commencent à écouter. Non, t'envoies une porte. Ça parle oseille, ça parle Monet. Quoi? T'envoies une porte. C'est porte-monnaie. Ok, d'accord. Ça marche aussi. Et voilà. Mais voilà, tu vois, on a déjà des meilleures idées. Donc ça prouve que ça n'a pas été. Voilà, c'est des... le collectif là, c'est quand même pas sérieux. La dernière génération, la pauvre. Exactement. Nous, franchement, la porte ou le. Non, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Mais bon, oseille, c'est un mot français. En allemand, ça n'a pas du tout cette signification là. Et tur. Tur en allemand, la porte marche pas non plus. Monnaie ture. Oui, oui, non, oui. Non, mais c'est vrai que il faut. Alors, on a un appel aux écologistes qui pensent que envoyer de la nourriture sur un tableau, ça fait refroidir la planète. N'hésitez pas, si vous allez à une exposition Monet, d'envoyer. On a dit quoi déjà? De l'oseille. De l'oseille, de la purée, visiblement. Ouais, ouais, la purée, de l'oseille. Okay. Mais enfin, moi, je préfère l'idée des chips. Hein. Même en surgelé. En plus, l'idée des chips, ça fait du mal à personne. Et c'est marrant. Chips, et c'est drôle, c'est quoi. Tu passes pour un. Bon, de toute façon, tu vas être passé. On organise avec Fadjet là ce samedi. On se retrouve tous devant le musée de Nancy avec nos paquets de chips. Oui, et on lance chips. Des chips enfin, sur les œuvres. Oui, il faudrait qu'on donne une date et un horaire. Dans l'aquarium de Nancy. Non, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui vont le faire et là on va. Ouais, mais au moins ça voudrait dire qu'on est écouté. Ouais, c'est vrai. S'il faut ça pour. Tu préfères être savoir que t'es écouté, être en prison ou savoir que t'es pas écouté, être en prison pour des chips. Tu plaisantes. Mais tu plaisantes. Pour incitation à la haine picturale. À la haine des chips. Non, c'est la haine des pictures des. Ah oui, oui, c'est vrai. Des pictures. Oh tiens, et on parlait de Camille Migaud tout à l'heure. Non. Si. Qui fait du vin dans le Toulois. Ah oui. Et vient de me répondre un message. Ah bon, tu vois, alors qu'on n'est pas en direct. Mais si, on est en direct. Il est il 27. Se passe des choses sur cette émission. On est en direct, on est le jeudi 27. Ouais. Le jeudi 27 ouais. Ouais. La preuve, c'est qu'on sait vous dire la date. Donc, excusez-moi, mais. On est pas l'heure, mais on saura. Voilà. L'heure, on peut vous la dire à quelques minutes près. Quoi. Oui, il est bientôt 19, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, pas loin. Bientôt, ouais. On peut vous dire exactement ce qui s'est passé ce matin dans l'actualité, notamment. Mais oui. Mais oui, mais on ne vous le dira pas, vous l'avez vécu. Ouais, voilà, vous connaissez. C'est nul. Aucun intérêt. On part aux États-Unis. Ah oui. Vous aimez bien les États-Unis ? J'adore les États-Unis. Qu'est-ce qui a baissé depuis 2 ans ? La fécondité. Mais alors attends, non, je dis une bêtise. Ça doit être vrai. Ça a baissé depuis plusieurs années, mais là, ça a beaucoup baissé depuis 2 ans. T'as dit quoi, la fécondité ? Ouais, je dis la fécondité. Non, mais on n'est pas si loin que ça, en fait. La taille des gens. Moyenne. Non. Ça pourrait parce que c'est vrai que les Américains, bah du coup, t'as. Ouais. Ouais les gens baissent. Les gens baissent. Voilà. Après, ça a diminué partout dans le les monde. Les jambes. Hein. Mais surtout beaucoup aux États-Unis. Est-ce que c'est un pourcentage ? Oui. Ok. Est-ce que c'est le pourcentage de temps ? Non. Ben, c'est pas un pourcentage. Non, je te dis des bêtises. Okay, c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est pour ça que ça moyenne. Ah, là, ah oui, la durée de vie. Oui, l'âge moyen en fait, l'âge moyen à laquelle on part à la mort. Beaucoup baissé, elle a beaucoup baissé, ouais, effectivement. Est-ce que t'as une idée, non? Attends, c'est je pense que ça a baissé 2 ans. Parce qu'il y a les attentats, non? En combien de temps ça a baissé 2 ans? En 2 ans. Et ben c'est plus. Attends, de quoi qui est plus? Je comprends rien. Alors on va revenir sur Terre pour Jocelyn. Oui, mais pour tout le monde. Oui, c'est vrai. L'espérance de vie des Américains. A chuté de 2 points. De 2,7 années en 2 ans. Du fait du Covid. T'avais pas compris alors, on peut le dire. Non, je sais, bref, ok, d'accord. Ça a baissé à cause du Covid, c'est sûr, c'est le Covid ? Ah oui, c'est sûr, c'est le Covid. Ça a un vrai culturisme. Les masque, gens, avant de mourir, saleté Covid. Ah, donc on sait que c'est ça, quoi, d'accord. Du coup, okay. Et le peuple le dire en anglais, les Américains ? Oui, oui. Comment ça saleté le Covid. Voilà. C'est certifié Covid. Ouais, ouais, dirty Covid. Resty Covid. Donc pas possible que pas que ça soit un hasard quoi, tu vois. Voilà, mais et Covid évident. Et l'intéressant cet article c'est Le Monde qui fait ça. L'espérance est-ce que vous avez une idée alors tiens oui, un chiffre là. En 30 ans, l'espérance de vie des noirs est moins élevée que les blancs. En 30 ans, l'écart a baissé de combien de pourcents? J'espère énormément. Je pense énormément. Ouais, combien? 40-60%. Et ben c'est entre les deux. C'est 50%. Ah, c'est tellement beau. Non, mais c'est dire que. Alors, malheureusement, j'ai pas les chiffres là. Mais ouais, c'est énorme. Et alors, depuis. C'est en quelle année aux États-Unis que l'espérance de vie était au plus haut ? En 2014. Oh, c'est moins. Ah, c'est pas. C'est en 2012. C'est non, moins. Non, en 2008. On s'est suicidé en 2012. Comment ? Ah, mais oui, en 2008. Juste avant la crise financière. Non, c'est encore moins. 2006 ? Ah, en 2001. 2001, l'Odyssée de l'espèce. Bah, juste avant les attentats. De l'espèce. C'est de l'espace ? Non, c'est encore moins. En fait, la phrase, c'est la baisse de 76 à 76. Eh, j'en baisse. Hein. De 77 à 71 ans a porté l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis à son plus bas niveau depuis. Ah, d'accord, ok. Depuis. 43. Ouais, donc c'est, oui, non, c'est, non, je dis n'importe quoi. Je crois que tu dis n'importe quoi. Parce que personne n'a compris. On est revenu à l'espérance de vie de quelle année en fait. En ayant chuté de 2,7. Ouais, c'est ça. Voilà. Waouh. La question était okay. Pas si simple en plus, hein. Voilà. Pas si compliqué. Voilà. Prenez un petit Doliprane ouais. Chez ouais. Vous, n'hésitez pas. Voilà. Non, en voiture. Peut, écoutez un peu voilà. De Louride. On est revenu du coup à l'espérance de vie de quelle année aux États-Unis? Ah. Et bah c'est 92. Et bah c'est entre les deux. 95. 16. 96. Ouais, bravo. Ah, l'année de l'élection de Bill Clinton. Eh oui. Ah ouais, sûr. C'est ça. Mais ouais. Ouais. D'accord, ok. Voilà. La seule année. Donc c'est ouais, il se passe des choses là-bas, mais bon après ils avaient rien pour eux hein, entre le fait qu'ils étaient ils sont un peu plus enveloppés que dans le reste du monde. Après moi je trouve COVID, personnellement je trouve qu'on vit trop vieux. Je veux dire bon. Et bah voilà. On fait 80 ans. Non, c'est vrai, voilà, quoi. C'est vrai, moi perso j'en ai fait 35. Mais parce que t'es à peu près jeune, fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai fait de la radio. Ouais. Je suis pas sûr que tous les Américains aient fait de la radio. Je ne suis pas sûr. Mais il paraît qu'un Américain sur trois a déjà passé à la télé. Ah ouais? Ouais. C'est vrai ou c'est. J'en sais rien. Ok, putain, ça a été tellement d'aplomb. Ça a été vrai, je crois. Pas sûr. Ça a été vrai, ouais, très bien. Quelqu'un l'a dit. Merci pour. T'es déjà passé à la télé, toi? Ouais. Ah ouais, à quelle émission? Plusieurs fois. Je peux pas trop en parler. Mais arrête, vas-y. Non, je passais plusieurs fois à France 3. Pourquoi? Parce que ma maman bossait à France 3, du coup. Mais sérieux? À France 3 Aquitaine alors. France 3 Aquitaine, ouais. Et tu faisais quoi dedans? Alors j'ai fait pas mal de... Mais on n'est pas obligé d'en parler. Dépêche-toi. On pourra faire une spéciale Jocelyn. Ouais, j'ai fait des journaux. Des journaux. Non, c'est des journaux qu'on dit dans... Ah, après c'est ouais, je suis platine, ouais. Ok. Du coup, ouais, j'ai tourné dans mes défaits figurants. J'ai fait figurants. Figurant au journal. Figurant au journal. C'est vrai que derrière le présentateur de journal, il y a toujours un figurant. Non, non, mais dans les envoyés spéciales, tu sais, c'est genre le mec qu'on interview pour demander qu'est-ce qu'il pense des grèves et qui dit non, c'est scandaleux. Voilà. Ah, si, je suis passé dans un téléfilm aussi. Mais ça, je vous dirai pas. Là, c'est ouais, très particulier. Chiant parce qu'il reste 30 secondes. Ok, bah, ciao. La matinale de 18h. L'émission qui vous ment. C'est vrai. C'est vrai que c'est l'émission qui vous ment. C'est rapidement résumé, mais c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est un jingle qu'on avait réfléchi à l'époque où on démarrait la matinale. Ouais. Ouais. On pourrait appeler ça la mitonale. Ouais. Ah ouais? La mitonale de 18h. La mitonade. La mitonade. Faire référence à la voisinade. Et vous suivrez la semaine prochaine. La cuisine. Ah oui. Ouais, ouais, ouais, très bien. Merci pour avoir en tout cas d'avoir été autour de cette table. Merci au stagiaire invisible qui est là et qui n'a pas du tout parlé pour nous laisser la place. C'était bien pas le mal. On se retrouve, nous, le troisième jeudi du mois. Non, je dis des bêtises. C'est dans deux semaines. Hein, donc regarde là, on est le 27, donc on sera le 34. Ouais. Ça fait le 41 octobre. Le 41 octobre, ça fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, 41 octobre. Le 11, ça fait. Non, on se voit à 11 novembre. Le 10, le jeudi 10. Ça existe jeudi le jeudi 10. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Jeudi 10. Ouais, c'est okay. Jeudi 10. Voilà. Merci beaucoup et plein de bisous. Et bisous à la. Oui, des bisous partout. Hein. Cordialement. Ciao.